Chapitre 1er. Un mariage qui ne plaît pas à tout le monde. Élisabeth, comtesse de Praz, assise devant un grand secrétaire empire, vérifiait un bordereau d'agent de change. Une crécelle discrète craqua plusieurs fois. Madame de Praz saisit le cornet du téléphone particulier. À cette seconde précise, l'aventure commençait. « C'est vous, tante ?» L'écouteur vibrait aux accents d'une voix jeune et fraîche. « Mais oui, ma chère enfant !» La pendule sonna, 8 heures du matin. « Vous avez bien dormi, tante? Au travail, déjà? Est-ce que je pourrais vous parler ?» La jeune fille téléphonait avec tant de vigueur que Madame de Praz percevait, dans la chambre dessus, la claire sonorité de ses paroles. « Me parler ?» fit Madame de Praz. « Veux-tu que je monte, Gilberte ?»« Ah non, tante, et la civilité, qu'est-ce que vous en faites ? Je descends. » Madame de Praz raccrocha le cornet, soucieuse. C'était, dans sa robe noire, une petite femme desséchée, aux yeux éteints, où le créateur semblait avoir ménagé la couleur. L'approche de la cinquantaine blanchissait la blondeur sans reflet de ses cheveux, tordus à la mode de sa jeunesse. Son profil manquait d'accent. Ses photographies les plus nettes semblaient mal mises au point, tant son visage offrait d'imprécision en sa douceur mélancolique. Elle s'accouda sur l'abattant du secrétaire et, tandis qu'elle songeait, l'inquiétude pinçait ses lèvres pâles qui blanchirent encore. Mais, étouffée par la portière de tapisserie, une descente tumultueuse dégringola. Un crépitement sourd et précipité tombait des hauteurs. Et la porte s'ouvrit en coup de vent au passage d'une très jeune fille aussi délicieuse que pétulante. Des mules de satin chaussaient ses pieds nus. Elle s'enveloppait d'un seau de lit vaporeux comme un nuage rose, déshabillée charmant, mais peut-être un peu trop jeune femme pour cette enfant rieuse à peine sortie de l'adolescence. « Bonjour, ma petite Gilberte !» dit Madame de Praz, soudain souriante. « Bonjour, ma petite tante !» claironna la jeune fille. Et, sans plus de forme, Madame de Praz subit l'assaut de sa nièce, qui lui jeta les bras autour du cou, fit claquer sur ses joues lugubres 2 baisers bruyants, et resta là, étouffant d'une robuste accolade la chétive créature. « Tu me décoiffes !» récriminait Madame de Praz. « Ça ne fait rien, tante, ça n'a aucune importance !» Les joues vermeilles, la bouche en fête, Gilberte Laval appuyait ses boucles brunes contre la morne tête qui se détournait et, tout à quelque pensée qui la ravissait, elle fixait, de ses beaux yeux mutins, la fenêtre pleine de lumière. Madame de Praz faisait, de l'autre côté, triste figure. « Tante !» invoqua Mademoiselle Laval. « Tante, tante !»« Quoi ? Hé, ne me serre pas si fort ! Qu'est-ce que tu as à te trémousser ainsi ?»« Je suis si heureuse, tante, si heureuse !»« Allons, laisse-moi, diablotin !»« Non, ne me regardez pas, pas encore !» La bouche écarlate s'approcha de l'oreille décolorée, comme pour une confidence, et Gilberte proclama d'une voix de stentor : « Je vais me marier !» Vous voulez bien, n'est-ce pas ? Fût-ce un tressaillement, Madame de Praz maintint brusquement contre sa joue celle de sa nièce. Te marier, dit-elle, avec qui ? Dans un souffle, cette fois, on lui répondit : Jean Mareuil. Qui est-ce ? Je ne le connais pas. Mais si, tante, vous savez bien, Jean Mareuil. On vous l'a présenté chez les Pauillac. Oh, tante, quoi ? Les deux femmes s'étaient séparées. Madame de Praz montrait une face d'effarement. Gilberte la considérait, interdite, concernée. « Je n'ai rien, mon enfant, un peu d'émotion bien naturelle. » Cependant, Gilberte avait senti tout à coup, entre elle et sa tante, tomber un froid indéfinissable qui la stupéfiait. Madame de Praz s'en rendit compte et ce fut elle qui se rapprocha de la jeune fille, dont elle prit la main. « Vois-tu, Gilberte, je t'aime comme si j'étais ta pauvre maman. J'ai bien peur que tu ne te sois décidée à la légère. Tu viens d'avoir 18 ans, ma chérie. Tu ne sais encore rien de la vie. Es-tu sûre que ce monsieur Mareuil soit fait pour te rendre heureuse ?» Changeante, Gilberte fronça les sourcils. Ce que voyant, Madame de Prades, câline, la tira contre elle et caressa cette chevelure de garçonnet que rien ne pouvait empêcher de boucler. « Allons, allons, dit-elle, laisse-moi connaître ce jeune homme, prendre sur lui les renseignements indispensables. Et s'il est tel que tu le crois ?»« Oh, pour ça, tante, je suis tranquille. » »« Eh bien, va t'habiller, ma chérie, nous reparlerons de tes projets tout à l'heure. » Tu ne m'embrasses pas ? Oh, Gilberte ! Sensiblement refroidie, l'enfant gâté baisa d'une lèvre molle le front de sa tante et sortit beaucoup moins brillamment qu'elle n'était entrée. Madame de Prades, restée seule, laissa son âme anxieuse errer dans ses yeux troubles. Pendant quelques minutes, elle marcha lentement, de long en large, les mains jointes derrière le dos. Le silence régna. Madame de Prades, perdue dans une âpre méditation, passait et repassait devant les meubles austères de ce cabinet de travail qui lui était réservé, qui était comme le boudoir de cette femme d'affaires et dont l'ornement principal consistait en un coffre-fort imposant placé vis-à-vis d'un cartonnier. Cette pièce, pourtant, avait ceci de particulier que les murailles étaient garnies de trophées sauvages, de panoplies africaines. Boucliers de cuir et d'écorce, d'où rayonnaient des lances barbares, des flèches, des sagaies. Madame de Prades, levant les yeux, jetait sur tout ce fatras un regard chargé de songes. Des souvenirs douloureux se reflétèrent dans ses prunelles. Puis, arrêtant sa marche, elle eut un geste de découragement, suivi d'un geste de décision. « C'est à voir, » murmura-t-elle. Elle toucha, sur le tableau du téléphone, un bouton étiqueté « Monsieur le Comte » et décrocha le cornet une seconde fois. « Allô, Lionel ?» Madame de Prades appelait à voix basse, la main posée en étouffoir entre ses lèvres et l'embouchure de l'appareil. « Lionel !» Enfin, on lui répondit par une façon de grognement. « Allô, Lionel ?»« Oui, maman. »« Tu es encore couché ?»« Vous pouvez même dire que je ne suis pas éveillée. »« Rentrez tard ?»« C'est pas l'heure. »« C'est bon, attends-moi. » Madame de Prades ouvrit la porte avec précaution. Elle traversa le vestibule sur la pointe des pieds et monta 2 étages en sourdine. Dans la chambre de son fils apparaissait le désordre d'une rentrée houleuse. L'habit de soirée gisait à terre, le chapeau à haute forme, du genre claque, coiffé de travers la pendule. Le gilet blanc, fripé, voisinait sur une chaise avec une bottine vernie. Enfin, l'on voyait, de-ci, de-là, une de ces lanternes à verre rouge qui indique la nuit les chantiers de voirie, l'enseigne de Nerboris et une plaque émaillée dont l'inscription avisait les lecteurs que, dans l'autre sens, l'autobus passait rue de Provence. Tout un butin de noctambule. « Bon Dieu, maman !» fit un grand garçon qui se dressa sur le lit. « Je m'étais rendormi. » Mais désignant les objets hétéroclites qui ne témoignaient que trop d'une nuit déréglée, « Lionel, dit Madame de Prades, quel âge as-tu ? » « 23 ans, fit l'autre avec un rire sournois. « Mauvais sujet !» Elle l'embrassa cependant avec admiration. « Beau, indiscutablement, mais sympathique, c'est une autre question. « Et où es-tu ? » continua Madame de Prades. « Chez qui es-tu ? » Elle s'était assise au bord du lit et plongeait son terne regard dans les yeux fuyants de son fils. « Réponds-moi, Lionel !»« Allons, dit-il, qu'est-ce qui vous préoccupe ? Il y a du nouveau ? Vous êtes blême, maman !»« Lionel, que t'ai-je dit quand ton oncle Laval est mort il y a 4 ans ? Vous m'avez dit combien vous seriez heureuse que j'épouse Gilberte et que je devais tâcher d'être aimée d'elle. C'est cela ?» « Parfaitement, c'était mon rêve. Eh bien, où en es-tu aujourd'hui ? » ?»« Je... » Lionel se tut, les yeux durcis et en dessous. « Je vais te le dire, » repartit Madame de Prince d'un ton navré. « Tu en es à ceci, que Gilberte s'est toquée d'un certain Jean Mareuil et qu'elle veut l'épouser. » Cette annonce eut pour effet d'en laidir comme par enchantement la physionomie du beau Lionel qui ne retint pas un blasphème. « Elle vous l'a dit ? » demanda-t-il. « Tout à l'heure. Et qu'avez-vous répondu ? Rien de précis, elle est libre. » « Libre, j'espère que vous allez faire valoir vos droits, montrer de l'autorité. »« Quel droit? Quelle autorité? Réfléchis donc, mon pauvre grand. Gilberte est la maîtresse, je ne suis, moi, après tout, que son intendante. Nous sommes ici, chez elle. Que gagnerais-je à m'opposer sans raison à la volonté de ma nièce mineure ? Armée du code, elle aura vite fait de se débarrasser de moi et d'exiger des comptes qui... Tes dettes de jeu, Lionel, tu sais bien que... Stop, je comprends. Ça va, maman. J'ai toujours manœuvré, continua Madame de Prades, qui semblait près de larmoyer, avec l'idée que tu l'épouserais et que c'est toi, son mari, qui aurais à régler la situation, à me donner quitus de ma gestion. Oui, oui, s'impatienta Lionel, mais tout n'est pas perdu, voyons. J'ai été stupide, je le reconnais. J'aurais dû depuis longtemps chercher à lui plaire. Il n'est peut-être pas trop tard. Il ne serait pas trop tard si vous aviez une bonne raison d'évincer ce Mareuil. Cela fait, je n'aurai qu'à réparer ma négligence. Par guignon, nous tombons mal avec Mareuil. C'est un type épatant, une espèce de modèle comme on n'en fait plus. Tu le connais donc? Autant qu'un homme comme moi peut connaître un homme comme lui. « Explique-toi !» Lionel avoua, dans un sourire de coin, « C'est un garçon sérieux, travailleur, artiste, un dilettante. On ne le rencontre ni au dancing, ni au bar. Moi, n'est-ce pas ?»« Il est riche ?»« Très. Hôtel, avenue du Bois. Chevaux, Rolls, mais pas de défaut. Ni dame de cœur, ni dame de pique dans son jeu. Irréprochable, enfin !» Madame de Prades parut tristement incrédule. On peut toujours se renseigner, dit-elle. Un homme irréprochable, est-ce que ça existe? Ma foi, maman, ce que vous dites n'est pas sot, et l'essai ne nous coûtera pas grand-chose. Si nous échouons, il sera temps de chercher une autre combinaison pour que la fortune des Laval ne m'échappe pas. Oh, la fortune seulement? Ta cousine est charmante. Peu! Je te voudrais riche et heureuse à la fois, mon chéri. Quand on est riche, on est heureux. Allons, je vais aujourd'hui même entourer le Mareuil d'une étroite surveillance. Si c'est un phénix, au moins nous le saurons. Et il reprit au bout d'un instant, cynique. En somme, si l'année dernière, la grippe de Gilberte avait mal tourné, nous n'en serions pas aujourd'hui à cette extrémité. Vous auriez hérité si je ne m'abuse. Sa mère le considéra fixement de ses prunelles blafardes où montait un effroi. « Bah, reprit-il, je ne ferai pas de mal à une mouche, non. Mais quand les circonstances vous sont favorables, quand la fatalité se met de la partie, que voulez-vous, il faut se faire une raison. Ainsi, tu ne l'aimes pas du tout ?» Il secoua la tête négativement. Madame de Prades demeura pensive et soupira. Elle est aimable pourtant, et je te jure que j'aurais voulu faire son bonheur. Mariez-la à Jean Mareuil. Ne plaisante pas, tu sais bien qu'il n'y a que toi qui compte pour moi, mon grand. Depuis que tu es né, toi seul existes. Et papa, je ne l'aimais pas autant que toi. Et mon oncle? Je ne l'aurais épousé que pour que tu sois riche. Vous êtes une brave femme, maman. « Ceci dit, voyez-vous un inconvénient à ce que j'aille trouver votre ancien maître d'hôtel, Aubry, pour dresser avec lui un plan de surveillance ?»« Aucun inconvénient, c'est un bon serviteur. Il est concierge au 47 de la rue Tournon, n'est-ce pas ? Et je crois me rappeler qu'il n'aime guère Gilberte. »« Dame, c'est elle qui a désiré que je le congédie. »« Fort bien. À ce moment, une admirable voix de mezzo monta vers eux, emplissant l'espace de l'hôtel. Gilberte chantait, pour elle-même, l'invitation au voyage. « Elle est encore dans sa chambre, » remarqua Madame de Praz. « Tant mieux, je préfère qu'elle ignore la visite que je t'ai faite. » Sur quoi elle redescendit en silence, noire et falote, et rentra dans son cabinet de travail. Là, ayant réfléchi quelque temps au fait qui contrecarrait ses espoirs, Élisabeth, comtesse de Praz, tira de son corsage une petite clé qui ne la quittait jamais et se mit en devoir d'ouvrir le coffre-fort. Un à un, les quatre secrets cliquetèrent sous sa main. Le lourd ventail tourna sur ses gonds. Des titres tassaient leurs vignettes du haut en bas de l'armoire fortifiée. Madame de Praz commença d'en sortir quelques liasses dont le toucher lui sembla voluptueux, et elle allait replonger le bras dans les profondeurs obscures lorsque la voix qui chantait se tut comme un oiseau se pose. Aussitôt, Madame de Praz remit tout en place. Les valeurs dérangées sur les autres valeurs, la porte d'acier dans son épais chambranle, les verrous dans leurs gâches, et la clé contre sa maigre poitrine.